La légende de la belle Yu de Félix Grat. Tous les jours, à l'heure que le soleil paraît, la belle Yu, la plus jeune des filles du prince Bossinck, prenait son arc et ses flèches, montait sur sa jument blanche et, l'épervier au poing, descendait sur les pentes des Alpilles, dans la vaste plaine de la Croix, pour faire la chasse aux levraux, aux merles, aux hérons blancs. Et quand le prince Bossinck, son père, tenant dans sa main sa longue barbe blanche, lui disait « Mignonne, que vous rentrez tard, n'avez-vous pas peur? Dans la montagne, il y a des bateaux fauves et de nombreux pillards. » La jeune princesse, rose comme une rose, vive comme une mésange, lui répondait « Mon père, ma jument blanche va plus vite que le vautour, ma flèche va plus vite que ma jument blanche, mon œil va plus vite que ma flèche, et tout ce que mon œil vise, ma flèche le transperce. Je n'ai crainte ni des bêtes fauves, ni de l'homme. » Et le lendemain, elle repartait. Un jour que le mistral soufflait avec furie, la belle Yu, comme de coutume, descendit du château au grand galop de sa jument blanche. Comme si le mistral l'emportait, elle frangissait buissons, rochers et torrents. Et les pâtres enroulés dans leurs grands manteaux disaient en la voyant passer « Elle va plus vite que le vent !» Ah, elle y fut bientôt là-bas, dans la vaste plaine de la Croix. Voyez-la, elle côtoie les temps de clair. Un vol de hérons s'en est levé. La belle Yu lance son épervier. Voyez-la, sa jument blanche l'emporte à travers les temps. Au reflet du soleil qui se couche rouge, l'eau semble de l'or bouillonnant, et l'or rejaillit sous le sabot et ruisselle du poitrail de la cavale. Mais au moment où l'épervier saisit le héron, au moment où la belle Yu arrive sur l'autre rivage, les portes du château de Montmajour grincent sur leurs gonds, et il en sort le baron Barracan, une bête à figure d'homme, suivie de ses archers. À bride abattue dans les tourbillons du vent, ils arrivent droit sur la belle Yu. Ils l'environnent et, la massue à la main, l'horrible baron lui dit « Princesse, il y a 3 ans que je vous guette tous les jours quand vous allez en chasse. Vous voilà prise enfin. Venez avec moi. Vous serez la fleur de mon château, si vous voulez, et je vous servirai humblement, s'il vous plaît. » La belle Yu, se retournant la rougeur aux joues et tenant dans ses mains les 7 dards d'acier qui pendaient toujours à la selle, lui répond « Retourne dans ton trou, misérable. Une fille des Bossinck ne sera jamais la femme d'un bandit, ni la bru d'une bohémienne. Arrière !» Cela dit, sa cavale bondit et l'emporte à travers la vaste plaine. Le baron Barracan demeure un moment stupéfait, puis, de sa voix rauque, il s'écrie « Lucifer, il me la faut, vivante ou morte !» Et tous ses hommes piquent de l'éperon. Alors, dans le crépuscule, on voit l'horrible spectacle d'un troupeau d'hommes noirs donnant la chasse à une fillette svelte comme un lys, légère comme une luciole. Mais la belle Yu se souvient qu'elle est de la race des Bossinck. Elle se dit « Jamais Bossinck n'a fui, ni devant un, ni devant 1000. » Alors, elle arrête son coursier, recommande son âme à Dieu, puis invoque ainsi Saint-Victor, son parent. « Saint-Victor, ancêtre de mes ancêtres, souche de ma race, grand guerrier du Christ, aide-moi !» Cela dit, elle retourne son coursier et fait front au baron Barracan et à ses estafiers qui arrivent les pieux en avant. D'une main sûre et rapide, elle leur lance les 7 dards d'acier. Chacun frappe au cœur, et les 7 estafiers du baron roulent, transpercés sur la terre rouge. Barracan, fou de colère, arrive, la massue levée. Hélas, la belle Yu n'a plus d'armes sous la main. Elle ferme les yeux et attend la mort. Mais Saint-Victor a entendu la voix de sa petite fille, et comme l'éclair, il est arrivé. Soudain, une grande clarté se fait. Sur son cheval qui souffle le feu, couvert de son bouclier éblouissant comme un soleil, Saint-Victor apparaît à côté de la belle Yu. D'un coup de son long sabre, il tranchera de la selle le corps de Barakan. Le tronc roule sur le sol, les yeux du monstre s'ouvrent et se referment, sa bouche mâche la terre. Ce soir-là, quand la belle Yu rentra au château, il faisait nuit noire. Son petit page, qui lui baisa la main, quand elle descendit de sa cavale, lui dit « Princesse, pourquoi votre main tremble-t-elle ?» La belle Yu, pâle comme une morte, lui posa un doigt sur la bouche, et le silence de la nuit régna sur le château. Mais au château de Montmajour, il y eut grand tumulte. Quand la vieille baronne Barakan ne vit revenir ni son fils ni ses archers, elle appela ses gens. Malgré la tempête, guidée par la lumière au rougeâtre des lanternes et par les chiens qu'on avait lâchés, la Barakan alla le long de l'étang de Claire. De là, en suivant les traces, elle arriva à l'endroit où étaient les tronçons du cadavre de son fils et les cadavres de ses serviteurs. Alors, elle déchira son visage avec ses ongles, en vomissant des malédictions. « Qui me vengera de la Bossinque ? Qui me rendra vivant le fils que j'ai perdu ? Ô mon aïeul ! Ô fée du Val d'Enfer ! Viens à mon secours ! Amène-la-moi vivante, la petite Bossinque ! Qu'avec mes ongles, je lui crève les yeux ! Qu'avec mes dents, je lui déchire le visage ! Qu'avec mes doigts, je l'étrangle ! Qu'avec mes pieds, je l'écrase ! » Elle se tut un moment. Puis, se tournant vers ses gens tout tremblants, elle leur ordonna de creuser un trou profond. Elle y fit jeter les cadavres de son fils et de ses 7 archers, et toutes leurs armes, et aussi les 7 dards d'acier. Et quand le sol fut bien aplani, la Barakan arracha de son cou un médaillon qui lui avait été donné par son aïeul, la fée du Val d'Enfer. Ce médaillon renfermait 3 graines minuscules. La Barakan prit ces 3 graines minuscules et les jeta sur la terre aplanie de la fosse. Quand tout cela fut fait, elle s'en retourna dans son château du Montmajour, alla se placer à une lucarne et là attendit sa vengeance. La belle Yu, qui n'avait pas dormi, se leva à l'aube et monta sur la plus haute tour du château. Elle regarda là-bas, là-bas dans la plaine, à l'endroit où la veille, le grand Saint-Victor lui avait apparu et l'avait délivré du baron de Montmajour. Mais au lieu du monceau de cadavres, elle vit en cet endroit une grande touffe verdoyante, comme il n'en avait jamais cru dans la plaine de la Croix. Alors, la belle Yu, troublée par cette vision, fit sceller sa cavale par son jeune page, et elle partit pour voir de près l'herbe verdoyante et miraculeuse. Et quel ne fut pas son étonnement quand elle vit que cette herbe avait des tiges qui ressemblaient à des dards, des feuilles d'un vert sombre tachetées de larmes blanches et des fleurs rouges comme du sang. La princesse descendait de sa cavale et sa main blanche cueillit une de ces fleurs mystérieuses. Hélas, aussitôt qu'elle l'eut cueillie, la fleur étrange se flétrit en répandant une odeur pestilentielle et un poison subtil. Soudain, le sang de la belle Yu se glaça dans ses veines, ses yeux se fermèrent, et elle tomba, morte sur le champ, comme frappée par la foudre. La Barakan, qui de sa lucarne l'épiait, frappa des mains et éclata de rire, de ce rire lugubre que font entendre les hiboux posés la nuit aux cimes des cyprès. Depuis ce jour, dans la contrée, personne n'ose toucher à l'herbe du Val d'Enfer qui fleurit tous les ans, et tous les ans, quand les fleurs se fanent, empoisonne le pays de son odeur pestilentielle. Fin 2. La légende de la belle Yu, 2. Félix Gras, lu par Isade en 2022.